comprendre que je suis à toi, mademoiselle, Dieu que t'es belle, mon étincelle. Prends-moi la main, cela est à toi, mademoiselle, c'est toi que j'aime. Sois près de moi tous les jours pour la vie, mon amour. Que le soleil brille pour toi, brille pour moi, mais encore pour ceux qui nous entourent. Toi qui m'as pris le cœur, je suis à toi, mademoiselle. Dieu que t'es belle, mon étincelle. Prends-moi la main, celle-là est à toi, mademoiselle. C'est toi que j'aime. De beaux jours, si tu veux bien de moi, mon amour. Un enfant, si tu veux une vie d'amoureux, un mari pour toujours. Toi qui m'as pris le cœur, je suis à toi, mademoiselle. Dieu que t'es belle, mon étincelle. Prends-moi la main, celle-là est à toi, mademoiselle. C'est toi que j'aime. Dis-moi que t'es d'accord, prends-moi dans ton corps, j'ai envie de toi et t'aimer encore. Le cœur, je suis à toi, mademoiselle. Dieu que t'es belle, mon étincelle. Prends-moi la main, celle-là est à toi, mademoiselle. C'est toi que j'aime.